Ah ouais, mais vous allez les plus tard. Appelle-le. Si j'ai pas de crédit non plus. C'est la reste. Ouais, mais attends, tu peux dire que t'as ton nom. Il m'a dit là, si, à 5 ou à 1h30, mon poste fait 2h. Attends encore alors. Bah non, je vais y être. Pas le temps de me présenter, pas venu pour plaisanter, seulement pour représenter. Je veux pas une part du gâteau, mais le gâteau entier. J'ai la dalle grave, t'entends pas mon beat chanter. Dans le ghetto, on fait du rap pour esquiver la vie de chantier. C'est par ici la monnaie, dans les NSO, pas Paris. Si tu connais, sur nous tu pas Paris. Hey, parmi les loups, y'a des louveteaux qu'on les croit. Quand tu leur demandes ce qu'ils veulent faire plus tard, ils répondent escrocs. Oh, petit, a trop d'appétit. Je l'inviterai jamais au resto. Ils vont nous foutre sur la paille. Sont dans les jazz, dans les bails. Petit d'âge mais grande taille. Ils prennent très vite goût à la maille. NSO, nos gens. Ça c'est ma clique. Tu pourrais claquer si t'es cardiaque. Nos gens. Shoot le com. Ok. Nos gens. Donc arrête de strave. C'est pour l'oise et ses oiseaux. C'est que du son de racaille. Nos gens. Ça c'est ma clique. Tu pourrais claquer si t'es cardiaque. Nos gens. Shoot le com. Ok. Nos gens, donc arrête de strave. C'est pour l'oise et ses oiseaux. C'est pour l'oise et ses oiseaux. Tendez vos oreilles, bande de nazes. STROMA, ça défouraille comme un album de Nas. On a la musique qui fait mal, le trafic illégal. S'il y a de la jalousie dans le coin, nous on la cadenasse. Elle a qu'à bien se tenir, comme certains rappeurs dans le rap français. En vrai, ferait mieux s'abstenir. C'est ghetto, nos gens style, les sceptiques peuvent venir. Vérifiez par eux-mêmes, c'est quoi le thug délire. Arrêtez de pisser dans des violons, de dire que vos raps sont violents. Sur internet, y'a des milliers d'MC de salon. C'est le karaoké, y'a même le clip qui va avec. Ça part dans tous les sens comme un palais d'ok. NSO, nos gens. Ça c'est ma clique. Tu pourrais claquer si t'es cardiaque. Nos gens. Shoot le com. Ok. Nos gens, donc arrête de strave. C'est pour l'oise et ses oiseaux. C'est que du son de racaille. Nos gens, ça c'est ma clique. Tu pourrais claquer si t'es cardiaque. Nos gens, shoot le com. Ok. Nos gens, donc arrête de strave. C'est pour l'oise et ses oiseaux. Rentrer dans le bal 6. Une spéciale pour les frères au ballon. Pour les frères qu'on l'a pas glia sur les talons. Ce son c'est une panenka pour les amateurs de ballon rond. On a tous un petit goût de rancœur comme Anelka. On vient décaler guettard. Ce son c'est pour les coupeurs décaleurs sur un air de guitare. Pour ceux qui veillent tard le soir, qui pensent qu'à des tailles, des bas et des bas. En bas des hauts la tape et des bas. Et des bas. NSO, nos gens, ça c'est ma clique. Tu pourrais claquer si t'es cardiaque. Nos gens, shoot le com. Ok. Nos gens, donc arrête de strave. C'est pour l'oise et ses oiseaux. C'est que du son de racaille. Nos gens, ça c'est ma clique. Tu pourrais claquer si t'es cardiaque. Nos gens, shoot le com. Ok. Nos gens, donc arrête de strave. C'est pour l'oise et ses oiseaux. NSO, ça c'est ma clique. Nos gens. Ok. Donc arrête de strave. C'est que du son de racaille. Ça c'est ma clique. Nos gens. Ok. Donc arrête de strave.